إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous sommes arrivés dans le livre l'explication de عقيدة أهل السنة والجماعة de Cheikh Al-Faqih Al-Zahid Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah رحمة واسعة dans le chapitre de la croyance aux anges. La croyance aux anges est le deuxième pilier parmi les piliers de la foi. Et on retrouve cela dans le hadith de Jibril, où il a demandé au prophète alayhi salat wa salam de l'informer au sujet de la foi. Il répondit, la foi consiste à croire en Allah, en ses anges. Un ange, en arabe, ça se dit malak. Malak, avec une fatha pas malik. Malik, c'est le roi. Malak, c'est l'ange. On entend certains novices en arabe ou certains francophones, ils disent Malikul Maut. Malikul Maut, c'est-à-dire le roi de la mort. C'est Malakul Maut, l'ange de la mort. Malak. Malak, c'est le singulier de Malaika. Et Malak, ça vient du mot en arabe Alaka et Al-Ma'lakatu, c'est-à-dire Al-Risala, le message. Donc, cela provient du sens qu'ils sont des messagers de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est-à-dire, ils ont des missions. Ils sont missionnés par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est pour cela qu'en arabe, on les appelle El-Malaika, les messagers d'Allah, c'est-à-dire les missionnés. Chacun a une mission bien précise. Les anges font partie du monde de l'imperceptible. On peut dire aussi l'invisible, mais imperceptible, c'est plus précis. C'est pour ça que souvent j'utilise les deux mots, parce que les gens connaissent invisible, c'est pas faux de dire invisible, mais c'est manquant. Alors que imperceptible, c'est beaucoup plus précis. Invisible, c'est lié seulement à ce qu'on ne voit pas. Alors que imperceptible, c'est ce qu'on n'en voit pas, ce que l'on n'entend pas, ce que l'on ne touche pas, ce que l'on ne peut pas percevoir par les cinq sens. Et c'est ça la réalité de l'ghaïb. L'ghaïb, c'est ce qui est imperceptible. Mais on peut dire invisible, c'est un sens parmi les sens, il n'y a pas de mal. Donc, les anges font partie du monde de l'invisible ou de l'imperceptible. Ils ont été créés pour l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et pour son adoration. Ils ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas des divinités, ils n'ont aucune caractéristique divine. Ils sont plutôt des serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah les a créés de lumière, comme il est venu dans le hadith sahih, qu'Allah a créé les djinns de feu et les anges de lumière et l'homme d'argile. Les anges ne sont ni masculins, ni féminins, ni hommes, ni femmes. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne se marient pas. Chaque ange a une mission et un rôle bien précis et on peut voir à travers les anges et leurs actions la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et la puissance de son royaume subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas besoin des anges pour faire accomplir toutes ses missions et ses rôles, mais par sa sagesse. Il y a plusieurs sagesses en cela et on va en parler inchallah à la fin, normalement dans le dernier chapitre. Par sa sagesse, il a voulu subhanahu wa ta'ala créer les anges pour que chacun ait une mission. Le fait de croire aux anges comporte quatre éléments. Premièrement, croire en leur existence, comme Allah nous en a informé, subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui disent que non, ça n'existe pas, c'est de l'électricité ou je ne sais quoi, ou bref, ils démentent le Coran et ils ne sont pas croyants car ils auront mécru dans un pilier parmi les piliers de la foi. Deuxièmement, croire de façon particulière au nom des anges dont Allah a nommé leur nom, comme Jibril, Israfil, Munkar et Nakir, Malakul Maut. Et ceux dont Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas à citer le nom, on doit y croire de manière générale. Troisièmement, le fait de croire en leurs caractéristiques qui ont été décrites dans le Coran et la Sunna authentique. Et ceci regroupe deux types de caractéristiques. Premièrement, les qualités physiques. Le fait de croire que ce sont des créatures créées de lumière, avec des ailes qui sont très fortes, comme il est venu dans le hadith sahih de la révélation, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai vu Jibril sous sa vraie forme avec 600 ailes. Une seule de ces ailes couvrait l'horizon en entier. » La deuxième partie des caractéristiques dans lesquelles on doit croire, c'est les caractéristiques et les qualités morales des anges. C'est-à-dire le fait de croire qu'ils obéissent à Allah tabaraka wa ta'ala sans jamais lui désobéir. Qu'ils l'invoquent et qu'ils l'adorent sans arrêt. Qu'ils sont les adorateurs d'Allah tabaraka wa ta'ala nuit et jour. Qu'ils croient en Allah, qu'ils aiment les croyants et qu'ils détestent les mécréants. Quatrièmement, le fait de croire en leur mission et en leur rôle. Par exemple, Jibril alayhi salam qui est chargé de la révélation. Mikaïl alayhi salam qui est chargé de la pluie et de la végétation. Israfil alayhi salam qui est chargé de souffler dans la trompe lorsque tous les hommes mourront. Malakul Maut, l'ange de la mort qui est chargé de prendre les âmes des corps, etc. Allah n'a nullement besoin de ses anges et il se passe de l'univers pour gérer l'univers. Mais ceci provoque chez l'homme de l'admiration pour le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, commence à lire, s'il te plaît. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalat wa salam ala rasulillah. La foi aux anges. Nous croyons aux anges d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils sont عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Sourate Al-Anbiya, versets 26 et 27. Des serviteurs honorés, ils ne devancent pas son commandement et agissent selon son ordre. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de lumière. Ils lui vouent adoration et lui obéissent. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Sourate Al-Anbiya, versets 19 et 20. Ils ne se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'enlacent pas. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent pas. Allah a placé entre eux et nous un voile. Nous ne les voyons donc pas. Non. Mais il arrive... Donc, on voit ici que les anges sont des créatures créées de lumière et les serviteurs ne peuvent les voir. Allah n'a pas donné à notre regard la capacité de les voir. Et la sagesse dans cela repose sur deux choses, wallahu a'lam. Premièrement, c'est que notre foi consiste à que nous croyons en l'invisible et en l'imperceptible. Et cette foi en l'invisible, c'est ce qui va faire que la personne est louée et elle a un mérite. Deuxièmement, afin que cela ne rende pas inquiets les humains. Car si on voyait les anges avec nous, on verrait ceux qui sont à notre droite, à notre gauche, ceux qui sont présents aux assemblées de science, ceux qui sont assis aux portes des mosquées le jour de Jum'a, etc. Peut-être que cela provoquerait de l'inquiétude et de la peur chez l'être humain. Donc, Allah Ta'ala, par sa sagesse, a caché les anges de nos regards. Non. Allah a placé entre eux et nous un voile. Nous ne les voyons donc pas. Mais il arrive qu'il les dévoile à certains de ses serviteurs. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a vu l'ange Jibril sous son apparence réelle. Il avait 600 ailes. Il remplissait tout l'horizon. De même que l'ange de Jibril se présenta sous la forme d'un homme parfait à Maryam. Celle-ci lui parla et il lui parla aussi. Non. Alors, les anges, on ne les voit pas. Ça, c'est la règle, c'est la base. Mais Allah Ta'ala peut choisir de les montrer à certains de ses serviteurs sous leur forme réelle, comme il l'a fait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien de les montrer sous la forme d'un être humain parfait, comme il a fait pour Maryam. Jibril s'est présenté à Maryam sous la forme d'un être humain parfait. Et elle lui a parlé, et il lui a parlé, comme Allah Tabaraka Ta'ala a dit dans les versets 17 à 19 de Sourat Maryam dans le sens, elle mit entre elle et eux un voile, nous lui envoyâmes notre esprit, c'est-à-dire Jibril, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle lui dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux, si tu es pieux, ne m'approche point. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Non, faddal. Et il vint aussi voir le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam alors que les compagnons étaient auprès de lui, sous la forme d'un homme que personne ne connaissait, sur lequel on ne décelait aucune trace visible de voyage, vêtu d'habits d'un blanc éclatant et avec des cheveux d'un noir intense. Il s'assit auprès du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, plaça ses genoux contre ceux du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam et posa la paume de ses mains sur ses cuisses. Il parla au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam et celui-ci lui parla. Le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam informa ensuite ses compagnons qu'il s'agissait de l'ange Jibril. Plusieurs récits sont venus dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montrent l'immensité, la grandeur de la création des anges. Comme Allah Ta'ala l'a dit dans le Coran, dans Surat al-Tahrim, verset 6, dans le sens de la traduction, « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. » يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté que le prophète alayhi salatu wa sallam a vu Jibril deux fois sous sa forme réelle et il avait 600 ailes et il couvrait tout l'horizon. Il avait 600 ailes et une de ses ailes couvrait tout l'horizon. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Takwir, dans le sens de la traduction, il l'a effectivement vu au clair horizon. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Et dans Surat al-Najm, versets 13 et 14, dans le sens de la traduction, il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près de Sidrat al-Muntaha. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. نعم, تفضل. Nous croyons que les anges accomplissent des tâches qui leur ont été imposées. Parmi eux, l'ange Jibril est chargé de la révélation. Il l'a fait descendre venant d'Allah sur ceux qu'il désire parmi ses prophètes et messagers. Non. Mika'i. Allah a donc chargé en particulier Jibril alayhi salatu wassalam de la révélation. Il est chargé d'informer, de transmettre les législations aux créatures. Et ceci montre le grand mérite de Jibril, qui est le chef des anges. Naam. Fadal. Mika'il est chargé de la pluie et de la végétation. Non, Mika'il est un ange qui est chargé de la pluie dans tous les endroits de la terre et de la végétation dans tous les endroits de la terre. Mais il faut comprendre que la force des anges ne correspond pas à la force des êtres humains. Et si ceux-ci ne sont que des créatures d'Allah, qui craignent Allah, qui l'adorent jour et nuit sans jamais s'arrêter, alors comment est la puissance d'Allah, tabarak wa ta'ala, leur créateur? Non. Israfil est chargé de souffler dans la trompe lorsque tous les hommes mourront et lorsqu'ils sortiront de leur tombe. L'ange de la mort est chargé de prendre les âmes lorsque leur mort arrive. Naam. Et la preuve concernant l'ange de la mort est dans le verset 11 de Surat Sajda où Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens de la traduction, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir, ensuite vous serez ramené vers votre Seigneur. Allah, il l'a nommé comme ça. Malakul Maut. Naam, tfaddal. L'ange des montagnes a pour rôle de s'en occuper. Ainsi, les montagnes ont un ange aussi. Comme cela est venu dans le hadith authentique lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait voulu appeler à Allah les gens de Taif et eux l'ont alors rejeté violemment. Alors Allah a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ange des montagnes qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que s'il le souhaitait, il pouvait renverser les deux montagnes de la Mecque sur son peuple. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé, espérant que sortent de leur descendance des gens qui adorent Allah sans ne rien lui associer. Malik est le gardien de l'enfer. Malik, c'est le gardien de l'enfer. Et ceci est confirmé dans le verset 77 de Surat Zukhruf, dans le sens de la traduction du sens. Ils crieront, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il dira, en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. Ils diront, Ya Malik liyaqdi alayna rabbuk, qala innakum makithun. Donc, nous croyons à cet ange et que son nom est Malik et qu'il est le gardien de l'enfer puisque ceci nous a été rapporté dans le Coran. Parmi eux, il y a également les anges chargés des embryons dans les matrices, d'autres chargés de protéger les fils d'Adam, les êtres humains. Et ceci, donc les anges qui sont chargés des embryons dans les matrices, a été rapporté dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Certes, la création de chacun d'entre vous s'opère dans le ventre de sa mère sous la forme d'une goutte durant 40 jours. Il prend alors la forme d'une adhérence pendant la même période. Ensuite, il devient toujours pendant cette même durée un morceau de chair. Un ange lui est alors envoyé par Allah et lui insuffle l'âme. Et on lui ordonne d'inscrire 4 choses. Sa subsistance, la durée de son existence, ses œuvres et s'il sera parmi les malheureux ou les bienheureux. Il a dit aussi donc d'autres chargés de protéger les fils d'Adam. Allah tabaraka ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, verset 11 de Surat al-Ra'd, dans le sens de la traduction, « Il, l'homme, a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par l'ordre d'Allah. » D'autres sont chargés d'inscrire leurs œuvres. Chacun en a deux. عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Sourate Qaf, verset 17-18. Un assis à droite et un à gauche. Il recueille. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. D'autres sont chargés d'interroger le mort une fois déposé dans sa tombe. Deux anges viennent l'interroger sur son Seigneur, sa religion et son prophète. Alors, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ Sourate Ibrahim, verset 27. Allah affermira les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes. Certes, Allah fait ce qu'il veut. Non. Donc les anges qui sont chargés d'inscrire les œuvres, l'un d'entre eux est à la gauche de la personne et l'autre à sa droite. Mais les anges ne connaissent pas l'invisible. Donc quand ils notent les actions des serviteurs, ils notent l'apparence et non l'intention. Allah tabaraka wa ta'ala les informe de l'intention pour qu'ils les notent. Sinon, ils ne les connaissent pas. Personne ne connaît l'intention qu'il y a dans le cœur de l'être humain, à part Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il a parlé des anges, des deux anges qui s'appellent Munkar et Nakir, qui sont chargés de questionner dans la tombe le serviteur. À ce moment-là, le croyant dira « Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'Islam et mon prophète est Mohammed ». Il le dira sans difficulté, sans bégayer, sans être confus. Par contre, le mécréant dira « Ha, ha, je ne sais pas ». Cet homme essaiera de se rappeler, mais il n'y arrivera pas. Et c'est pour cela qu'il a été rapporté d'après Uthman ibn Affan radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il terminait l'enterrement d'un mort, il se tenait debout près de lui et disait « Demandez pardon pour votre frère et demandez pour lui l'affermissement car il est en ce moment en train d'être interrogé. » Donc la sunna c'est de rester autour de la tombe de celui qui vient d'être enterré et on invoque Allah pour lui chacun tout seul. On ne fait pas des doigts en groupe comme certains font. Barakallahu fik. Naam, tafadhal. Et parmi eux aussi, il y a les anges au service des habitants du paradis. Yatrouloun alayhim min kulli bab. Salamun alaykum bima sabartum. Fani'ma 'uqbat dar. Ar-Ra'd, verset 23-24. Les anges entreront chez eux de chaque porte. Paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Alors qu'elle est belle votre ultime demeure. Le prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a informé que la maison peuplée, al-Baytul Ma'mour, se trouvant au ciel est visitée dans une variante Ipri, chaque jour par 70 000 anges, puis ne reviennent jamais à cet endroit jusqu'au dernier. Ah. La croyance. Alors, on voit ici que le nombre d'anges qui existent est énorme, très grand. Regardez, qu'est-ce qui est dit dans le hadith authentique? Combien d'anges? 70 000 anges y entrent chaque jour dans le Bayt al-Ma'mour et n'y reviennent jamais. Ça, c'est seulement ceux qui rentrent dans Bayt al-Ma'mour, avec tous les autres qui sont dans le ciel et sur terre en train d'adorer Allah et faire les missions. Combien Allah a créé d'anges, subhanahu wa ta'ala? Al-Bayt al-Ma'mour est une maison qui se trouve juste au-dessus de la Kaaba au 7e ciel. Naam. Avec cela, on aura vu la croyance aux anges. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.